Non, c'est quand tu veux t'écumer les mains. Tu sais, l'amour est cruel, même les colombes se querellent. Tu peux mourir pour elle, on le voit dans tes yeux. Ses défauts sont réels, veux chasser le naturel. Tu lui avais promis Mars, elle voulait voir Jupiter. Tu lui donneras les cieux, tout ça rien que pour elle. T'exauceras même ses vœux, c'est le plus profond de tes rêves. Au plus bas faut que je me relève. Un sourire aux lèvres cache des millions de problèmes. J'ai du mal à te l'avouer. Quand tout va mal, comme toi aussi, je me revois bourré de la veille, marchant dans les ruelles. On est dimanche, il faudrait que je me réveille. On est tous les mêmes. Si c'est eux contre eux, nous viens faire la guerre avec moi. On est tous les mêmes. Je ne t'aimerai pas que demain, de la vie à l'au-delà, je veux voir le bout du tunnel. Si ce monde est à eux, le mien sera avec toi. On vit pas pour la fête. On vit pas pour la fête. Et toutes ces années pourrissent, les allers-retours chez le toubib. Et t'en as marre de courir entre bonheur et détresse. Tu te rappelles de ces souvenirs, les déceptions, les fous rires. La vie veut te prendre en otage, fais-lui ton plus beau sourire. Dis-moi ce qui ne va pas. T'as tout le fardeau de ce monde dans tes bras. Dis-moi ce qui ne va pas. T'as tout le fardeau de ce monde dans tes bras. J'ai du mal à te l'avouer. Quand tout va mal, comme toi aussi, je me revois bourré de la veille, marchant dans les ruelles. On est dimanche, faudrait peut-être que je me réveille. On est tous les mêmes. Si c'est eux contre eux, nous viens faire la guerre avec moi. On est tous les mêmes. Je ne t'aimerai pas que demain, de la vie à l'au-delà, je veux voir le bout du tunnel. Si ce monde est à eux, le mien sera avec toi. On vit pas pour la fête. La Mesdames et messieurs, il vient nous présenter son dernier album dont est issue cette chanson magnifique, Tous les mêmes, qu'il vient de nous interpréter. C'est Brahms Sito. Ça va? Brahms, enchanté, tu vas bien? Enchanté, ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. On va parler de toi, de ton art. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors bienvenue dans Enchanté.